Chapitre 9e. Trois mois s'écoulèrent. Frank, durant tout ce temps, ne quitta point Londres, et comme il l'avait promis, il écrivait de temps en temps à Mr. Vanstone pour lui rendre compte de ses occupations. Elle ne semblait point, d'après ses lettres, lui inspirer un bien vif enthousiasme. Il se représentait comme un arithméticien toujours incomplet. Il était toujours aussi fermement convaincu, mais un peu trop tard, que sa vocation d'ingénieur était bien supérieure à ses aptitudes pour le commerce. En dépit de cette conviction, malgré les maux de tête qu'il gagnait à rester assis sur un tabouret trop haut, dans un air malsain, plié en deux sur des registres, malgré le manque de société, les déjeuners sur le pouce, les méchants dîners des chop houses, il venait régulièrement au bureau et restait fort assidûment à son pupitre. Si l'on tenait à s'en assurer, on n'avait qu'à consulter le chef de la division à laquelle on l'avait attaché. Telle était la teneur de ces lettres au sujet desquelles le correspondant de Frank et le père de Frank ne s'accordaient pas mieux qu'à l'ordinaire. Mr. Vanstone y voyait le développement des instincts industrieux chez le jeune homme qui les avait écrites. Mr. Clare était d'une autre opinion, tout aussi caractéristique. « Ces gens de Londres, disait le philosophe, ne se laissent pas aisément faire au même par un blanc bec de cette force. Ils ont empoigné Frank par la peau du cou. Il ne peut se débarrasser d'eux par aucune feinte. » Et il fait alors de nécessité vertu. Ces trois mois pendant lesquels Frank accomplissait à Londres son noviciat commercial furent à Combraven beaucoup moins gais que les précédents. À mesure que l'été arrivait, l'abattement de Mrs. Vanstone devenait, malgré tous ses efforts, de plus en plus marqué. « Je fais de mon mieux, disait-elle à Miss Garth, pour donner à mon mari, à mes enfants, l'exemple de la sérénité, mais j'ai peur du mois de juillet. » Les secrètes appréhensions de Nora sur le compte de sa sœur la rendaient plus sérieuse et moins communicative encore. Mr. Vanstone lui-même, juillet approchant, perdit quelque chose de son ressort moral. En présence de sa femme, il gardait avec soin les mêmes dehors. Mais en toute autre occasion, il y avait maintenant dans sa physionomie, dans son attitude, une ombre de tristesse, très nettement accusée. Magdalene était si changée depuis le départ de Frank qu'au lieu de dissiper cet abattement de tous, elle l'aggravait au contraire. Elle ne se mouvait plus qu'avec langueur. Ses travaux quotidiens étaient accomplis avec indifférence et lassitude. Elle passait des heures entières à rêver toute seule dans sa chambre. Elle n'accordait plus aucun intérêt à ses brillantes toilettes. Ses yeux étaient chargés d'ennui, ses nerfs irritables. Son teint perdait de sa vivacité, de sa fraîcheur habituelle. En un mot, elle pesait à elle-même et à tout ce qui l'entourait. Avec quelque énergie que Miss Garth essaya de combattre ses difficultés domestiques, sa force d'âme, elle aussi, pliait sous la tâche. Ses souvenirs la ramenaient, de plus en plus fréquemment, vers cette matinée de mars, où le maître et la maîtresse de la maison étaient partis pour Londres, et où avait été sérieusement modifiée, pour la première fois depuis tant d'années, la calme atmosphère de la famille. Devait-elle s'éclaircir un peu? Et quand donc le soleil de la prospérité d'autrefois reviendrait-il dissiper les nuages qui avaient tout à coup obscurci ses rayons? Le printemps et les premiers mois d'été se succédèrent rapidement. Arriva le mois de juillet, ce mois redouté, avec ses nuits sans fraîcheur, ses matinées sans nuages, ses étouffantes journées. Le 15 du mois, un incident eut lieu qui étonna tout le monde, si ce n'est Nora. Pour la seconde fois, sans la moindre raison apparente, pour la seconde fois, sans un mot d'avertissement préalable, Frank reparut dans le cottage paternel. Les lèvres de Mr. Clare s'ouvrirent pour saluer le retour de Frank, comme celui d'un shilling de bas aloi, puis se refermèrent sans qu'il eût articulé un seul mot. Le calme imposant dont Frank avait empreint son attitude montrait assez qu'il apportait d'importantes nouvelles, bien plus importantes que n'eût été celle de son renvoi. Au sardonique regard de son père, il répondit en expliquant qu'une proposition très essentielle, et probablement très avantageuse, lui avait été adressée le matin même à son bureau. Sa première idée avait été de la communiquer par écrit à Mr. Clare. Mais les associés de la maison avaient pensé qu'il serait plus à propos de ne prendre aucune décision avant une entrevue personnelle avec son père et ses amis. Il avait donc posé sa plume et pris immédiatement le chemin de fer. Après ce détail préliminaire, Frank se mit à détailler la proposition de ses patrons et en termes qui prouvaient assez combien il la trouvait répugnante. La grande maison de la cité avait évidemment fait sur son nouveau commis la même découverte que l'ingénieur d'autrefois sur son élève. Le jeune homme, ainsi s'exprimait-il poliment, avait besoin de quelques stimulants spéciaux pour l'aiguillonner. Ses patrons, voulant tenir compte de la recommandation en vertu de laquelle il était entré chez eux, avaient mûri cette idée et venaient de décider que la seule manière de mettre à profit les facultés de Mr. Francis Clare était de l'expédier un continent dans quelque autre partie du globe. En conséquence, il lui était proposé d'entrer dans la maison des correspondants qu'ils avaient en Chine et d'y passer 5 années, durant lesquelles il se familiariserait avec le commerce de la soie et du thé, année à l'expiration desquelles il rentrerait à Londres pour prendre sa place dans l'établissement central. S'il mettait à profit les occasions offertes par son séjour en Chine, il reviendrait de là, jeune encore, à même d'occuper une position de confiance et largement rétribuée, à même, par conséquent, de compter que, peu de temps après, la maison se ferait un devoir de lui fournir les moyens de fonder à son tour un établissement séparé. Ainsi se résumaient les nouvelles perspectives qui, en vertu de la théorie de Mr. Clare, venaient s'imposer d'elles-mêmes à ce Frank toujours résistant, toujours ingrat, toujours inapte à céder lui-même. Il n'y avait pas de temps à perdre. La réponse finale devait être au bureau, sans faute, le lundi 20 du mois. On écrirait au correspondant de Chine par la malle de ce jour-là même, et Frank suivrait la lettre par la première occasion de partance, à moins qu'il ne cédât sa chance à quelque autre jeune homme plus résolu, plus entreprenant. L'accueil que ces nouvelles si extraordinaires obtinrent de Mr. Clare fut surprenant à l'extrême. L'idée glorieuse de voir son fils exporté chez les Chinois sembla lui avoir tourné la tête. Le ferme piédestal de sa philosophie s'écroula sous lui. Les préjugés sociaux reprirent leur autorité sur son âme. Il saisit Frank par le bras et voulut immédiatement le conduire à Combraven, l'y conduire lui-même en personne, par conséquent faire une visite. « Nous voici, moi et mon drôle, » dit Mr. Clare avant qu'un seul mot eût été prononcé par la famille étonnée. « Tous, tant que vous êtes, écoutez son histoire. Elle m'a réconcilié pour la première fois de ma vie avec l'anomalie de l'existence qu'il me doit. » Frank raconta itérativement, d'un air boudeur, la proposition chinoise, tâchant de glisser dans son récit le commentaire d'objection et de récrimination qu'il tenait en réserve. Mais au premier mot de ce genre, son père l'arrêta court, étendant la main dans la direction du sud-est, c'est-à-dire du comté de Somerset vers l'Empire chinois, et alors, sans un instant d'hésitation, « Allez !» lui dit-il simplement. Mr. Vanstone, ébloui par la vision dorée des succès futurs de son jeune ami, fit écho de toute son âme à cette décision dissyllabique. Mrs. Vanstone, Miss Garth et même Nora parlèrent dans le même sens. Frank était pétrifié par cette unanimité d'opinion sur laquelle il ne comptait pas, et Magdalene, pour la première fois de sa vie, se trouva prise à court de toute ressource. La séance du conseil de famille, en tant que résultat pratique, n'aboutit qu'à formuler cette opinion générale « Frank doit partir ». Les facultés de Mr. Vanstone avaient reçu un terrible choc de l'arrivée soudaine du fils, de la visite imprévue du père et des nouvelles qu'ils apportaient tous deux. Aussi demandait-il qu'on voulût bien remettre à un autre temps l'examen détaillé des arrangements à prendre pour le départ de son jeune protégé. « Si nous dormions là-dessus, disait-il, demain nous aurons tous la cervelle un peu plus reposée. Il sera temps alors de régler ce qui est encore en l'air. » Cette suggestion ne rencontra pas de contradicteur et tout fut remis au lendemain. Ce lendemain devait décider plus de questions et régler plus de difficultés que n'en pressentait alors Mr. Vanstone. Le matin, de fort bonne heure, après avoir fait le thé comme à l'ordinaire, Miss Garth prit son ombrelle et descendit dans le jardin. Elle avait mal dormi, et 10 minutes passées en plein air, avant que la famille se réunît pour déjeuner, pouvaient à son avis compenser l'effet de cette mauvaise nuit. Elle alla d'abord jusqu'à l'extrémité du parterre, et revint ensuite par une autre allée qui, la ramenant du côté du château, longeait un pavillon d'été placé au coin de la pelouse et d'où la vue embrassait une vaste étendue de champs cultivés. Un bruit léger, assez semblable, mais non tout à fait, au gazouillement d'un oiseau, frappa son oreille au moment où elle passait le long de ce pavillon. Elle en fit le tour, gagna le seuil, regarda à l'intérieur, et découvrit Magdalene et Frank assis fort près l'un de l'autre. À la grande horreur de Miss Garth, le bras de Magdalene était bien évidemment passé autour du cou de Frank, et, circonstance énormément aggravante, la pose de sa tête au moment de la découverte ne permettait pas de douter qu'elle ne vint justement d'offrir à la victime du commerce chinois la première et aussi la plus téméraire des consolations dont une femme puisse disposer en faveur de l'homme qu'elle aime. En termes moins ambigus, elle venait d'accorder à Frank son premier baiser. En présence de cet incident, Miss Garth comprit instinctivement que toutes les formules ordinaires du reproche seraient autant de phrases jetées au vent. « Je présume, remarqua-t-elle, s'adressant à Magdalene, avec l'impitoyable sang-froid d'une dame ultra-quadragénaire qui ne trouve chez elle, pour la radoucir, aucune souvenance de baisers donnés ou reçus. Je présume, telles excuses dont votre effronterie puisse s'armer, que vous ne me contesterez pas, vu ma position, le droit de faire connaître à votre père ce dont le hasard vient de me rendre témoin. C'est un soin que je compte vous épargner, répondit Magdalene du plus grand calme. Je le lui ferai connaître moi-même. À ces mots, elle se tourna vers Frank, qui se tenait, trois fois plus inerte qu'à l'ordinaire, dans un coin du pavillon. « Vous saurez ce qu'en adviendra, » lui dit-elle avec un de ses plus radieux sourires. « Vous le saurez aussi, » ajouta-t-elle à l'adresse de Miss Garth, tandis qu'elle précédait son institutrice sur le chemin de la salle à manger. Les yeux de Miss Garth l'accompagnaient d'un regard indigné. Frank, de son côté, s'était discrètement dérobé dès qu'il l'avait pu. Dans de pareilles circonstances, une femme respectable n'a vraiment qu'un seul parti à prendre, c'est de frissonner. Miss Garth protesta donc sous cette forme et revint ensuite au château. Le déjeuner fini, et comme Mr. Vanstone mettait la main dans sa poche pour y prendre son porte-cigare, Magdalene se leva. Elle leva un regard significatif à Miss Garth et suivit son père sous le vestibule. « Papa, lui dit-elle, j'ai besoin ce matin de vous parler en particulier. « Bon, répondit Mr. Vanstone. « Et de quoi, ma chère enfant ?»« De... » Magdalene hésita, chercha une formule qui lui convint et finit par la trouver. « D'affaires, papa, » reprit-elle. Mr. Vanstone prit son chapeau, ouvrit ses yeux tout grands dans une muette perplexité, tâcha de raccorder dans son esprit ces deux idées si singulièrement incohérentes, d'affaires et de Magdalene, n'y parvint aucunement, et descendit au jardin d'un air résigné. Sa fille lui avait pris le bras et le mena vers un banc ombragé à bonne distance du château. De son élégant tablier de soie, elle essuya ce siège avant que son père n'y prît place. Mr. Vanstone n'était point habitué, de sa part, à de si minutieux petits soins. Il s'assit, plus intrigué que jamais. Magdalene s'installa aussitôt sur un de ses genoux et posa confortablement sa tête sur l'épaule paternelle. « Suis-je lourde, papa ? » demanda-t-elle. « Oui, ma fille, vous l'êtes, » répondit Mr. Vanstone. « Mais pour moi, jamais, comme vous savez. Restez donc sur votre perchoir, si vous vous y trouvez bien. Et à présent, que peut-être cette grave affaire ?» Cela commence par une question. « En vérité, je n'en suis guère surpris. Toute affaire avec votre sexe, ma chère enfant, commence invariablement par des questions. Continuez. « Eh bien, papa... « Comptez-vous me permettre jamais de me marier ?» Les yeux de Mr. Vanstone s'ouvrirent plus grands que jamais. La question l'épouffait pour nous servir de son vocabulaire assez volontiers maillé de mots étranges. « La belle affaire que voilà, » dit-il. « Voyons, Magdalene, qu'avez-vous logé dans cette cervelle de linotte à vous dévolue ?»« Je ne sais pas encore au juste, cher petit père. Daignerez-vous répondre à ma question ?»« Sans doute, si cela m'est possible. Vous m'étonnez, savez-vous. « Eh bien, je ne crois pas. Cependant, j'imagine... Oui, je vous laisserai vous marier, d'ici à un temps quelconque. Si je puis vous trouver un bon mari. Bon Dieu, que vous avez la tête chaude. Soulevez la petite et l'exposez au grand air. Non, vous ne voulez pas? À votre aise, donc. Si pour parler affaire, il vous faut absolument frotter votre joue à mes favoris, je n'ai rien à dire contre. Continuez, mon enfant. Quelle sera la seconde question? Tâchons d'arriver. » Magdalene était bien trop femme pour obéir à cette dernière injonction. Elle dérivait au but par un habile détour et calculait sa route à un cheveu près. « Nous avons été tous bien surpris hier, » reprit-elle. « Hein, papa, l'amour nous était. Franck a eu bien du bonheur. N'est-il pas vrai, petit père ? Ah, le gaillard, je crois bien, dit Miss Vanstone. Mais quel rapport tout cela peut-il avoir avec l'affaire qui vous intéresse ? Vous voyez clair dans votre chemin, Magdalene, j'en suis bien sûr. Quant à moi, je marche dans les ténèbres. La jeune fille le voya d'un peu plus près. Il fera probablement fortune en Chine, dit-elle, interrogeant plutôt qu'elle n'affirmait. C'est bien loin, n'est-ce pas, ce pays de magots ? Avez-vous remarqué, père, comme Franck avait l'air triste ? Ces nouvelles m'avaient tellement surpris, dit Mr. Vanstone, et j'étais si épouffé de voir chez moi le nez pointu de ce diable de clerc, que véritablement je n'y ai point pris garde. Maintenant que vous m'y faites songer, je m'en souviens, c'est vrai. Franck n'a pas envisagé d'un bon œil la fortune qui lui tombait du ciel. Il l'a mal prise, c'est certain. Est-ce que cela vous surprend, papa ? Oui, ma chère, un peu, je l'avoue. Et vous ne trouvez pas qu'il est dur d'être exilé pour 5 ans, de faire sa fortune au milieu d'un peuple sauvage, et de perdre de vue, pour tout ce temps-là, les amis qu'on a dans son pays ? Vous ne croyez donc pas que Franck nous regrettera ? Vous ne le croyez pas, dites, vous ne le croyez pas ? Et là, doucement, Magdalene. Je suis un peu trop vieux pour me laisser étrangler comme cela par ces longs bras dont vous m'enlacez. Vous avez raison, ma chérie. Rien dans ce monde qui n'ait sa compensation. Franck regrettera ses amis d'Angleterre, je n'en doute nullement. Vous avez toujours beaucoup aimé Franck, et Franck vous a toujours beaucoup aimé. Oui, sans doute. C'est un brave garçon, un bon enfant, bien tranquille. Franck et moi, nous avons toujours frayé sans le moindre encombre. C'est-à-dire que vous avez toujours été comme père et fils, n'est-il pas vrai ? Certainement, ma petite, certainement. Peut-être le regretterez-vous une fois parti, bien plus que vous ne le regrettez à présent ? C'est possible, Magdalene, je ne dis pas non. Peut-être souhaiteriez-vous qu'il n'eût pas quitté l'Angleterre. Pourquoi donc ne resterait-il pas en Angleterre ? Il y réussirait tout comme en Chine. Chère petite, en Angleterre, il n'a pas de chance. Je voudrais, pour son bien, qu'il en eût. Je souhaite qu'il prospère, ce pauvre garçon, et de tout mon cœur. Puis-je aussi, moi, et de tout mon cœur, m'associer à ce vœu ? Sans doute, ma chère, sans aucun doute. Comment donc ? Votre camarade d'enfance, pourquoi pas ? Eh bien, qu'arrive-t-il donc ? Sur mon âme, je crois que la petite sotte se met à pleurer. On dirait vraiment que Franck est condamné à la transportation. Vous savez bien, enfant que vous êtes, vous savez aussi bien que moi que s'il part pour la Chine, c'est qu'il y va faire fortune. Quel besoin de fortune a-t-il ? Il pourrait faire bien mieux. Et quoi donc, je vous prie ? Ah, je serais aise de le savoir. Je n'ose pas vous le dire. Vous allez vous moquer de moi. Mais promettez-vous de ne pas rire à mes dépens ? Tout ce que vous voudrez, petite Péronnelle. Allez, je vous le promets. Et maintenant, voyons un peu. Qu'a-t-il de mieux à faire, ce bon Franck ? Eh bien, m'épouser, donc. Si tout à coup le paysage d'été que Mr. Vanstone avait alors sous les yeux eût disparu, pour faire place à ce même paysage dépouillé, glacé par l'hiver, si les arbres eussent soudainement perdu leur feuillage et si la verte moisson se fût changée en neiges étincelantes, son visage n'eût pu exprimer plus d'étonnement qu'au moment où, d'une voix un peu défaillante, sa fille prononça les 4 derniers mots de leur dialogue. Il voulut la regarder en face, mais il y mit bon ordre en cachant obstinément sa figure derrière l'épaule qui la supportait. Avait-elle parlé sérieusement ? Sa joue, humide des larmes de la jeune fille, répondait à cette question. Il y eut un long silence. Elle attendait, avec une patience inaccoutumée, elle attendait qu'il parlât. Il se leva enfin et ne prononça que ces paroles. « Vous m'étonnez, Magdalene. Vous m'étonnez au-delà de tout ce que je pourrais dire. » Au son de cette voix profondément altérée et qui maintenant exprimait non l'irritation et la colère, mais une anxiété sérieuse et calme, Magdalene embrassa son père d'une étreinte plus énergique. « Vous aurais-je affligé, cher père ? » lui demandait-elle d'une voix affaiblie. « Ne me dites pas que j'ai pu vous faire de la peine. À qui dévoiler mon secret, si ce n'est à vous ? Ne laissez pas s'en aller, Franck, je vous en supplie. Vous lui briseriez le cœur. Il n'ose s'expliquer avec son père. Il a même peur que vous ne vous fâchiez contre lui. et personne, personne que moi pour plaider notre cause. Oh, ne le laissez pas aller. Pour lui d'abord et... » Ces derniers mots se confondirent avec un baiser. « Pour moi aussi, ne le laissez pas partir. » La bienveillante physionomie de son père s'était attristée. Il soupira, et passant à plusieurs reprises, avec un geste de tendresse, la main sur cette belle tête, « Taisez-vous, mon enfant, » murmurait-il presque à voix basse, « taisez-vous. » Elle ne se doutait guère de toutes les révélations qui jaillissaient pour lui maintenant de ses moindres paroles, de ses moindres gestes. Elle avait fait de lui depuis son enfance jusqu'à cette journée une sorte de camarade à cheveux gris. Les jeux auxquels il se livrait quand elle était encore toute petite fille, elle les avait continués une fois devenue jeune personne. Jamais il ne s'était séparé d'elle assez longtemps pour se douter qu'elle grandissait. À peine, dans sa naïve insouciance paternelle, s'était-il aperçu que cet enfant qui jadis lui venait à la ceinture, lui venait maintenant au menton, et il n'en savait pas davantage. Or, tout à coup, elle lui apparaissait, en cette minute effarée, comme une femme faite, sur le point de lui échapper. Il n'en pouvait plus douter, au trouble de cette poitrine pressée contre la sienne, au frissonnement nerveux de ses bras enroulés autour de son cou. Magdalène, son enfant, sa petite Magdalène, une femme au cœur déjà dominé, envahie par la passion qui règne sans rivale sur tout son sexe. Avez-vous assez longtemps réfléchi à ceci, cher enfant ? Demanda-t-il, dès qu'il se sentit en état de parler posément. Êtes-vous sûr ? Elle répondit à la question à demi faite. Sûr que je l'aime ? Dit-elle. Et de quel mot pourrais-je me servir pour dire oui, comme je le voudrais ? Je l'aime. Ici, sa voix défaillit doucement, et sa réponse acheva dans un soupir. Vous êtes bien jeune, mon enfant. Vous et Franck, ma chérie. Vous êtes tous les deux bien jeunes. » Pour la première fois, elle releva sa tête, jusqu'alors appuyée sur l'épaule de son père. Sa pensée et les mots qu'il exprimait jaillirent en même temps. « Sommes-nous donc plus jeunes que vous n'étiez, vous et maman ? » demanda-t-elle, tandis qu'un sourire brillait à travers ses larmes. Elle voulut ensuite replacer sa tête comme auparavant, mais son père, au moment où elle parlait ainsi, l'avait saisie par la taille. Il la contraignit, avant qu'elle eût pu s'y opposer, à le regarder en face, et l'embrassa tout à coup avec un élan de tendresse qui, de nouveau, remplit de larmes les yeux de la jeune fille à peine séchée. « Pas beaucoup plus jeune, mon enfant, » dit-il, « pas beaucoup plus jeune que nous l'étions, votre mère et moi. » Il l'écarta de lui, se leva de son siège et détourna vivement la tête. « Restez ici, calmez-vous, je vais rentrer et parler à votre mère. » Sa voix tremblait, en prononçant ces paroles, et il la quitta sans retourner la tête. Elle attendit, attendit longtemps, et son père ne revenait point. Enfin, son anxiété, toujours croissante, la fit revenir à la maison. Tandis qu'elle approchait, non sans quelques nouvelles défaillances, elle se sentait de plus en plus intimidée. Jamais elle n'avait vu, troublée comme elle l'avait été par son aveu, les profondeurs de ce caractère simple et bon. Aussi redoutait-elle presque de se trouver de nouveau en face de son père. Elle allait et venait, sans bruit dans le vestibule, avec un manque de résolution qu'elle ne savait pas s'expliquer, l'appréhension qu'elle éprouvait d'être rencontrée par sa sœur ou par Miss Garth, et d'avoir à leur parler, ébranlait ses nerfs et les rendait douloureusement accessibles au moindre bruit de la maison. La porte du petit salon vint à s'ouvrir. Elle se retourna, toute frémissante, et vit son père dans le vestibule. Son cœur battit de plus en plus vite. Elle se sentait pâlir. Un second regard, qu'elle jeta sur lui comme il se rapprochait, la rassura tout à fait. Il était parfaitement calme, sinon aussi gai que de coutume. Elle remarqua qu'il s'avançait vers elle et lui adressait la parole avec une douceur grave, plus semblable à sa manière d'être vis-à-vis de Mrs. Vanstone qu'à celle dont il usait habituellement avec cet enfant de prédilection. « Allez, ma chère, » lui dit-il, en lui ouvrant la porte qu'il venait de fermer. « Allez répéter à votre mère ce que vous venez de me dire. Et ajoutez-y tout ce qui vous viendra aux lèvres. Elle est mieux préparée à vos aveux que je ne l'étais moi-même. Nous nous réservons la journée pour y songer, et demain vous saurez, ainsi que Franck, ce que nous décidons. » Magdalène le regardait parler, et bientôt ses yeux, plus rayonnants que jamais, attestèrent que sa double pénétration de femme et d'amante lui révélait, sur le visage de son père la décision déjà prise. Heureuse et belle de son bonheur, elle posa ses lèvres sur la main qu'il lui avait tendue et entra sans hésiter dans le petit salon. Son père lui en avait frayé, adouci l'accès. Sa première surprise avait perdu ce qu'elle avait d'amère. Il n'en restait plus que la joie. Sa mère, après tout, avait été jeune comme elle. Pourrait-elle méconnaître cette affection que Franck lui inspirait? Ainsi, sa pensée devançait-elle les émotions de cet entretien. Et sauf un premier mouvement de réserve, qui chez Mrs. Vanstone ne s'expliquait guère, tout arriva comme Magdalen l'avait pressenti. Peu à peu, les questions maternelles devinrent plus expansives, puisées dans les souvenirs encore bien doux d'un temps que les femmes n'oublient point. Et en écoutant les réponses de Magdalen, Mrs. Vanstone crut revivre ses plus belles journées d'espérance et d'amour. Le lendemain matin, la décision si grave fut annoncée. Mr. Vanstone fit monter sa fille dans la chambre de Mrs. Vanstone et lui communiqua le résultat des réflexions faites depuis l'entrevue de la veille et pendant la nuit qu'il avait suivie. Il parlait avec une bonté parfaite et un entier sang-froid, mais ses paroles étaient plus sobres et plus rares qu'à l'ordinaire, et tout le temps que dura cette entrevue, il tint dans ses mains une des mains de sa femme. « Ni lui ni elle, dit-il à Madeleine, ne se sentait le droit de blâmer son attachement pour Franck. C'était peut-être en partie le résultat de la familiarité enfantine qu'on avait soufferte entre eux. En partie aussi, le résultat de l'intimité plus étroite encore que leur camaraderie dramatique avait nécessairement amené. Cependant, leurs parents avaient à présent le devoir de mettre ce double attachement, chez l'un comme chez l'autre, à une sérieuse épreuve. Pour elle, d'abord, dont l'heureux avenir était le plus cher souci. Pour Franck également, car ils étaient tenus de lui fournir l'occasion de se montrer digne du dépôt qu'on mettrait en ses mains. Ils se sentaient tous deux sous l'influence d'un préjugé favorable à ce jeune homme. La conduite étrange de son père l'avait, dès ses plus jeunes années, désigné à leur compassion et à leurs soins. Ses frères cadets et lui avaient, pour ainsi dire, remplacé dans l'intérieur de la famille Vanstone ceux de ces jeunes rejetons que la mort était venue frapper. Tout en estimant bien fondée la bonne opinion qu'ils avaient de Franck, encore fallait-il, dans l'intérêt du bonheur de leur fille, mettre cette bonne opinion à l'épreuve, en fixant d'avance certaines conditions et surtout en plaçant une année de délai entre le projet de mariage et son accomplissement définitif. Pendant cette année, Franck resterait à Londres, dans son bureau, ses patrons étant dûment informés que des circonstances de famille l'empêchaient d'accepter la mission qu'ils voulaient lui faire remplir en Chine. Ils auraient à considérer cette concession comme l'approbation implicite de l'attachement qui les unissait, Magdalen et lui, mais seulement à certaines conditions. Si, pendant cette année d'épreuve, il cessait de justifier la confiance dont on l'honorait, confiance qui avait amené Mr. Vanstone à prendre absolument sur lui toute la responsabilité de l'avenir de Franck, le projet de mariage deviendrait par là même nul et non avenu. Si, d'un autre côté, le résultat espéré par Mr. Vanstone se produisait réellement, si l'année d'épreuve établissait le droit de Franck au dépôt sacré qu'on entendait lui confier, Magdalen, alors, lui donnerait elle-même la plus haute récompense qu'une femme puisse accorder. Et cet avenir, que ses patrons lui avaient fait espérer comme le résultat d'un séjour de 5 ans dans le céleste empire, cet avenir se trouverait réalisé pour lui en moins d'un an, grâce aux riches douaires que lui apporterait sa jeune femme. Quand son père eut déroulé ainsi devant elle les perspectives de l'avenir, Magdalen ne sut plus contenir l'élan de sa reconnaissance et de sa tendresse. Profondément touchée, elle parlait d'abondance et du fond du cœur. Mr. Vanstone attendit que sa femme et sa fille fussent un peu calmées. Alors seulement, il acheva par quelques paroles les explications dans lesquelles il était entré. « Comprenez bien, mon enfant, dit-il, que je ne destine pas Franck à vivre dans l'oisiveté, aux dépens de sa femme. Le plan que je forme pour lui, c'est qu'il continue de mettre à profit l'intérêt que lui portent ses patrons actuels. La connaissance qu'ils ont des affaires industrielles leur permettra de le faire agréer pour associer dans quelques bonnes et solides maisons, et vous lui donnerez, de la main à la main, le capital nécessaire pour payer son droit à la raison sociale. Je limiterai cette somme, cher enfant, à la moitié de votre fortune, et l'autre moitié sera placée sur votre tête. nous serons tous vivants et bien portants d'ici à une année, je l'espère du moins, ajouta-t-il en jetant à sa femme un regard plein de tendresse. Mais que je sois là ou non, Magdalène, ceci ne changera rien à votre situation réciproque. Mon testament, rédigé longtemps avant que j'eusse jamais pensé à me donner un gendre, partage ma fortune en deux lots égaux. L'un passe à votre mère, l'autre est également réparti entre mes deux filles. Vous aurez votre part dès le jour de vos noces, tout comme Nora touchera la sienne dès qu'elle se mariera, soit de ma main, si je suis de ce monde, soit en vertu de mon testament, si je venais à vous quitter plus tôt. « Là, là, pas de ces mines allongées !» dit-il avec un retour de gaieté. « Votre mère et moi comptons bien vivre assez pour voir Franck à l'état de gros négociants. Je vous permets, ma chère enfant, de mettre le fils au courant de ses nouveaux projets. Pour moi, je vais au cottage. » Il s'arrêta sur ce mot, et ses sourcils se contractèrent légèrement. Il jeta de plus un regard hésitant à Mrs. Vanstone. « Qu'allez-vous faire au cottage, cher père ?» demanda Magdalène, après lui avoir laissé le temps de finir spontanément la phrase ainsi commencée. « Je vais y consulter le père de Franck, répondit-il. N'oublions pas que, pour conclure, le consentement de Mr. Clare nous est indispensable, et comme le temps presse, comme j'ignore quelles difficultés il pourra soulever, plus tôt je l'aurai vu, mieux cela vaudra. » Il répondit ainsi à voix basse et altérée, puis il quitta le fauteuil d'un air moitié contraint, moitié résigné, que Magdalène n'observa point sans quelque secrète alarme. Du regard, elle interrogea sa mère. Selon toute apparence, Mrs. Vanstone, elle aussi, s'était effrayée du changement survenu chez son mari. Elle semblait inquiète et mal à son aise. Elle laissa retomber sa tête sur un des coussins du sofa par un mouvement dont la soudaineté semblait indiquer quelque souffrance. « Vous sentiriez-vous indisposée, chère mère ?» lui demanda Magdalène. « Je suis très bien, mon enfant, » dit Mrs. Vanstone d'un ton bref, même un peu brusque, et sans retourner la tête. « Laissez-moi seule quelques instants. Il ne me faut qu'un peu de calme. » Magdalène sortit avec son père. « Papa, » lui dit-elle tout bas, avec une espèce d'inquiétude, pendant qu'il descendait l'escalier. « Vous ne pensez pas, n'est-il pas vrai, que Mr. Clare puisse dire non ?»« D'avance, je ne puis rien affirmer à cet égard, » répondit Mr. Vanstone. « J'espère qu'il dira oui. » « Mais il n'a pas de raison pour dire autre chose. N'est-ce pas, mon père, n'est-ce pas ?» Elle posa cette question comme à regret, et à demi-voix, pendant que Mr. Vanstone prenait son chapeau et sa canne. Aussi ne parut-il pas l'avoir entendue. Hésitant sur le point de savoir s'il fallait ou non la réitérer, elle l'accompagna jusqu'au jardin, et l'aurait volontiers escorté plus loin, dans la direction du cottage, mais au bout de la pelouse, il la renvoya au château. « Vous n'avez rien sur la tête, chère petite, » lui dit-il. « Si vous voulez rester au jardin, n'oubliez pas à quel point le soleil est chaud. Ne sortez pas sans votre capeline, je vous le recommande. » Il continua sa route vers le cottage. Elle attendit un instant, en arrêt, et le regarda s'en aller. Elle remarqua bien qu'il ne faisait pas tournoyer sa canne, comme d'habitude. Elle voyait aussi le petit basset d'Écosse, qui s'était lancé sur ses talons, gambadé, aboyé, sans qu'il y prît garde. Il était mal disposé, singulièrement mal disposé. À quoi cela pouvait-il tenir ?